Ultérieurement, sur ma proposition, nous sommes tombés d'accord sur une nouvelle forme d'organisation de la production. Dans l'histoire de notre vie collective, jamais telle proposition n'aurait pu être faite. Cela s'est produit peut-être parce que nous étions trop, peut-être parce que nous étions enfin assez, je ne sais pas. Bref, nous choisissons cela. De mettre le plus conscient d'entre nous des affres du monde de l'économie, du plus soucieux de la dépression existentielle dans le monde du travail, du plus cabossé de crocs de requins ou de ses propres morsures pour de simples parties d'échecs sans jeu. Celui-là même s'est retourné et s'est offert à un espace plus vaste que lui et ses problèmes, et s'est mis au service de cet espace plus vaste, l'autre. Tel qu'Anne Lucie, il en a aussi ses lèvres. Cynthia, c'est moi qui ai les siennes. Bastien, Magali, Lucie, Farid, Loïc. C'est à lui donc que nous lui avons demandé collectivement s'il voulait être notre patron. Comme si, enfin, ici, s'employer était un souhait. Et voilà ce que j'ai entendu de lui. Je vous propose d'être tel le patron des enfers, régnant d'une main de fer. Mais je ne pourrai jamais me défaire que vous êtes conscient de l'avoir choisi. Et c'est donc ici que je vous remercie. Débarrassez-vous alors de vous, tendres innocents, pour ne plus sombrer dans l'appétit qu'est l'argent. Je m'en charge. Vous n'aurez que votre confiance pour vous rendre compte à quel point cela vous sera rendu. Et si j'ai assez d'amour de vous, je vous promets que j'en ferai un paradis, peu importe les gains. Voici les premiers mots de Zéole. Et quand on connaît le personnage, on sait qu'il n'y a qu'un endroit où il s'amuse. Ayant entendu notre demande, puis ayant proposé un temps d'essai, il prend ses fonctions dans l'instant qui suit et nous propose illico de nous mettre en résidence, tel qu'on l'entend dans la création d'un spectacle. Celui d'arriver à un moment où tous les sujets sont concentrés en un objet à produire. Après un tour de table, voilà ce qu'il en sort. Lançons-nous sur les intérêts personnels de Bastien. Montez sur scène. Ce qui convient parfaitement avec ce avec quoi il s'est engagé, avec le parcours immersion que nous proposons avec l'association. Et à cette annonce, tout le monde saute de joie, car tout le monde souhaite monter sur scène également. L'énergie est donc là, il nous manque qu'une seule chose, un théâtre. La décision du patron tombe, maintenant que les espaces sont partagés entre les différentes maisons de la digue, que les garages peuvent l'être aussi, nous vidons totalement celui de la maison 4 et en faisons un théâtre. 2 jours plus tard, un garage se transforme en théâtre, ou du moins les grandes lignes. Si vous aviez vu le dynamisme avec lequel cela s'est fait, même une grande école de théâtre nous jalouserait.